salut tout le monde, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro, toujours un plaisir d'être avec vous, d'être présent dans votre salon, votre cuisine, votre salle à manger et de vous offrir comme ça la richesse de la musique franco-canadienne. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai du Émilie Landry, j'ai du Frank Williams, l'album de la semaine, c'est l'album de Monette. Son album Sonner l'éveil, excellent album. On va entendre aussi du Michel Russell, du D-Track, j'ai aussi du Pajot, du Yvon Loisel, du Loïc Morin et Alpha Toshineza. Bref, un 2 heures de musique franco-canadienne d'un bout à l'autre du pays, juste pour vous dans votre salon, votre chez-soi. Bien entendu, je commence avec le bloc des Maritimes dans quelques instants, donc restez là, je vous reviens dans quelques secondes à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bonjour, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes. Et bien entendu, avant de commencer mon bloc des Maritimes, je tiens à remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir 1-2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Amélie Barbeau du réseau RFA de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs, directrices de programmation des stations suivantes, CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKGM chez Tican, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi, CJPN Frédéric Thune et CHQC Saint-Jean Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Vous m'envoyez ça à canrockcdn au commercial gmail.com. Voilà! Allons-y avec le bloc des Maritimes, et parce que je suis généreux, parce que je suis, je vais le dire, je suis en amour avec cette auteure, compositrice, interprète, vraiment talentueuse, très très jeune, et c'est peut-être l'avenir ou la relève vraiment là, de la musique franco, la musique acadienne. Je parle de Émilie Landry, qui, si vous allez sur ma page Facebook de Canrock, eh bien, vous pouvez voir son spectacle salon qu'elle a fait la semaine passée, je ne me trompe pas. C'est disponible sur ma page Facebook de Canrock et vous allez voir, c'est une fille vraiment très talentueuse, très belle voix, une belle écriture aussi. Donc, on va entendre une pièce d'un album qui s'en vient très, très bientôt, je pense, c'est à la mi-mai. On va entendre la pièce Dans ma peau, qui est en ce moment le gros succès qui tourne à la radio. On va entendre ça. On va entendre aussi une pièce de Émilie et les City Folks, Tu pars avec ma tête, une pièce que j'avais bien aimée. Mais en 2013, Émilie a participé à Accro de la chanson. On va débuter ça avec Les Marées. Voici l'auteur, compositrice, interprète, Émilie Landry. Dans une petite ville, dans une petite maison, une petite fille a grandi. Ça n'a pas été long. 18 ans dans un clin d'œil, au revoir à l'enfance. Elle fait son deuil. Petit pied, pas géant, faire son avenir vers l'inconnu. l'adverse, voire du mauvais temps. Trop de gens qui pourraient l'ont peur, calmer vos craintes sous son cœur. Sauver de toi. je boirai de ta sève, de ton sucre amer qui me coûte si cher. En argent, en estime, en mal de tête, en déprime. Quand je te donne mon corps, tu pars avec ma tête. Ça recommence encore, je sais pas où ça l'arrête. Mais le matin, je regrette. Qu'est-ce que j'ai fait? Le matin, je regrette. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Je contemple le même paysage, mais je le vois plus comme avant. J'ai pris l'habitude, je te jure c'est tout dans l'attitude. Maudit que je suis bien dans mon corps, j'ai envie de sortir ce soir. J'suis de voix, belle écriture, vraiment une fille talentueuse. Et si vous avez déjà regardé ce concert-là sur ma page Facebook de Canrock, eh bien, vous savez qu'elle a chanté quelques chansons qui vont se retrouver sur son prochain album. Et on peut voir que ça va être des chansons remarquables. Donc, Émilie Landry, retenez ce nom, vraiment intéressant. Autre nom à retenir, Frank Williams. La semaine prochaine, je vous parle de son album « Ça s'en vient ». Frank Williams, que j'ai rencontré lors du contact ontarois, un gars fort sympathique qui fait de la musique country, assez intéressante, country, country rock, pop, folk, mais vraiment bien fait. Et c'est drôle, ça me fait penser drôlement à Nashville. Si vous aimez la musique de Nashville, si vous aimez les Eagles, vous allez adorer ça, spécialement la pièce qui s'en vient. Maudit, je t'aime. L'intro, c'est très Eagles, c'est très, c'est génial. C'est un jeune bourré de talent aussi. Donc, je pense qu'il faut surveiller ce gars-là, Monsieur Frank William. On va entendre la pièce qui, Maudit, je t'aime. Très, très, très bonne pièce. Le 24 avril prochain, dans le cadre de la série NB at Home ou NB chez soi, il y a Danny Boudreau qui fera un live à 20h le 24 avril prochain. Donc, à surveiller. Moi, j'ai bien hâte de regarder ça. Et bien sûr que je vais partager sur ma page Facebook. Parce que s'il y a quelqu'un sur la planète qui est vraiment fan inconditionnel, fan fini de Danny Boudreau, eh bien, c'est bien la longue des ondes parce que j'adore ce qu'il fait. Tout ce qu'il touche, tout ce qu'il fait, ce gars-là, c'est génial, c'est bien produit, c'est solide, très belle voix. On va entendre une pièce, bon, sur son album, un album qui a de reprise de musique acadienne. Il avait repris une chanson de Caillouche. On va entendre le portrait de mon père dans le salon. Génial. Et on va terminer ça avec Raphaël Buckler et sa pièce Valérie. Mais pour l'instant, Maudit je t'aime, voici Frank William. On peut pas toujours se suivre. On peut pas toujours se dire qu'on s'aime, maudit, ça me chavire. Séparé par la distance, d'Abitibi peut-être en France.